spectacle sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on donne le coup d'envoi avec un second extrait de l'album de Stefano Lupo Galifi, le chanteur de Museo Reisenbach, qui arrive avec un premier disque solo, Dei Ricordi un Museo. Ce sera suivi de Mickey Simons, un claviériste britannique que vous connaissez, vous avez sûrement entendu sans le savoir probablement. Il a joué avec énormément de personnes, dont Michael Field, Camel, mon Dieu, écoutez, Fish. Et il nous présente un troisième disque solo qui est simplement intitulé Mickey Simons 3. Et après ça, ben, on va faire un tour du côté de l'Ontario, ce qui n'est pas très courant, avec une formation que Marc et moi, on apprécie beaucoup, n'est-ce pas Marc? En effet, Michel, il s'agit de la formation Monarch Trail, qui a été fondée en 2014 à Dundas, Ontario, par le claviériste et compositeur Ken Baird. Alors, c'est le troisième album de cette formation qui vient de sortir la semaine dernière, donc le 15 octobre, intitulé Winter Dawn. On aura la pièce titre de cet album, mais tout d'abord, un nouvel extrait de l'album de Stefano Galifi, également Mickey Simons. Thank you. spalancando si a me. Mostra buchi neri e profondi. Della sabbia tra le mani evoca Waves that reach another power, weeping every day. Who are we and what? Hills that slowly rise, Alpha, Sun, and Salt, press upon the we

can't control. Voice inside will let me know. Sense of direction. Now I can see what's been holding me back. Memories distorted and gray. No longer a fool who's play by the rules. There's no one left to betray. On my face, finding a way in this evolving time and space. Thought may distract me, so I choose the logical way. A voice comes to say, see the magic in each day. Come to me, embrace me. I'm exposed now, yet uncertainty is haunting me to where I cannot hide. The veil is drawn aside. Enlighten me, rescue me to the path of reason that's ahead of me. I cannot see. Lead me when I don't believe. Mm-hmm.

C'est un album concept, donc toutes les pièces s'enchaînent. Il y a, en plus des 6 musiciens de la formation, beaucoup de musiciens invités et également l'orchestre symphonique avec eux. Donc, c'est un album qui mélange le rock, rock opéra, le rock progressif, le jazz. Donc, il y a beaucoup de styles qui sont explorés. C'est un album qui est très riche et très inventif. Alors, je ne sais pas pour toi, Michel, mais pour ma part, ça risque de se classer très haut dans ma compilation des meilleurs albums de rock progressif de 2021. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, Marc? T'as vraiment très bien résumé cet album de Sean Donnay. D'aucuns regretteront peut-être qu'il n'y ait aucune pièce, aucune chanson en italien, mais je pense qu'on gagne en qualité quand même, même si c'est pas en italien. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça va être un album assez bien coté, je pense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, et puis c'est un disque qui mérite d'être... plusieurs écoutes, et on dit plusieurs écoutes, donc c'est ce qu'on va faire à l'instant avec 3 extraits de cet album concept. So come, baby, suck my pain away, suck it away. Now the holy books are stuck in me. My youth has gone, my spirit is drunk. I'm falling in lush like I'm having such a full time. Please don't stop me now. This don't stop me now. Broken bones, let's wait, foot for miles. Let's work, this is the only game to play for poor and slaves. Work hard, my bro, all night and day to you. Thank you. Thank you. when their kingdom must fall.

Salut, c'est Sébastien Lacombe. Écoutez mon nouvel album Fly en diffusion à CKRL 89.1 Québec. I was born to fly. I was born to fly. Away. Someday. Like the birds when come the winter winds. Ooh, the winter winds. Cet automne, le Palais Montcalm vous offre la musique à son meilleur, en salle ou en web diffusion. La musique d'Ennio Morricone, interprétée par le Montréal Guitar Trio. Les 30 ans de l'album « Sauver mon âme » avec Luc de la Rochelière. Hommage à Johnny Mitchell avec Cora Ligon et la crème des musiciens québécois. Une soirée blues avec Don Tyler Watson, Annika Chambers et le Paul Deslauriers Band. Découvrez tous les autres concerts au palaismontcalm.ca. Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important. Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccins. Un message du gouvernement du Québec. Allô, Yves Landry. Très heureux d'être ici, c'est-à-dire à CKRL, à laquelle je vous confie, entre autres, le samedi, de 5h à 6h, j'aurai l'occasion d'animer l'intemporel. On va parler d'hier, on va parler peut-être même de demain, mais surtout que on sera toujours intemporel dans le moment présent pour s'amuser et d'abord et avant tout, se divertir. L'intemporel à CKRL, c'est merveilleux. L'intemporel, une présentation de Clinique Dentaire Centreville, Eurofin Environnex, Clinique Médicale La Croix et XPN Canada. Je suis un disque. Oh là là là. CKRL. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés au dernier bloc de l'émission Terra Incognita pour cette semaine. Alors, on aura deux longues pièces pour terminer cette émission. On aura la formation de Flower Kings, qui présentait en 2007 leur 10e album en carrière, The Sum of No Evil. On sait que la formation a maintenant 14 albums, dont leur plus récent, l'album double Islands, est paru en 2020. Donc, de l'album The Sum of No Evil, on aura la pièce The Sum of No Reason. Et on débutera avec une formation américaine qui a pour nom Sirius B. Et on aura un extrait de leur 3e album qui a pour titre Whimsical Weather. Une formation que t'aimes beaucoup, Michel. Oui, une formation qui est malheureusement pas très connue et qui a pourtant 6 albums à son actif. Et le plus récent est paru en 2019, The Art of Vanishing. Ben là, pour le moment, on écoute un extrait de leur 3e album. We'll be right back.

Comme Marc vous le disait tout à l'heure, on vous laisse avec un extrait de The Sum of No Evil de Flower Kings. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de CKRL. Black smoke's yet to cloud the sun. On target without a warning. No time, nowhere to run. They promise a piece of heaven. We'll sit by the side of kings. Looking like a crash test dummy. Or a bird with a broken wing. You don't know who sent you here. Can see who pulled the strings. I bet they got a damn good reason. I hope there's someone listening. I hope that what they say is true. That God can see through souls of men and all the blood upon our windows. Be like teardrops in the rain.